Bon, on va peut-être commencer. Je suppose qu'il va y avoir des retardataires, mais il est déjà 10. Je ne connais pas tout le monde. Je commençais par me présenter. Je suis Marie-Hélène Mandrillon. Je travaille sur l'histoire environnementale de l'URSS aussi. Et les différents organisateurs qui sont tous par nous et par vous aujourd'hui m'ont chargé d'introduire la présentation de Charles-François, assez court. Dire d'abord que Charles-François est un membre fondateur du RUCH. Hein, on est quasiment tous dans ce cas-là ici, mais autant le dire. Qu'il est chercheur à Paris 4 au centre Roland Meunier et qu'il est entre autres, et c'est à ce titre-là que tu es là aujourd'hui, j'imagine, l'auteur de ce gros ouvrage, paru en 2010, In Maturity Trust, le paysage anglais à l'ère industrielle, aux presses universitaires de la Sorbonne, avec une préface de, ou un avant-propos, je ne sais plus, oui, c'est vrai qu'il y avait avant-propos de François Walter. Et qui est tiré de sa thèse, en fait, oui. Qui s'intitulait, alors tu dis quelque part que c'était moins joli, moi je trouve c'est ça... C'est beaucoup moins glamour, oui. Oui, mais moi je trouve pas que le titre de la thèse plus joli, parce que c'était « Émergence d'une pensée environnementale en Angleterre au 19e ». C'est ça. Voilà. Et que l'émergence, la problématique de l'émergence des pensées environnementales, on est quelques-uns que ça taraude. Dans tes autres casquettes, il y a le... On a noté que tu as été éditeur des book reviews sur la liste HNET. Mm-hmm. Ouais, je crois que que tu as, comme beaucoup de gens ici, je crois... non, je vais continuer sur l'ouvrage. Cet ouvrage qui a eu des prix et de l'Académie des sciences morales et politiques et de la Société de géographie, à venir après, ça dit déjà que la pluralité de tes influences et qu'il a été aussi finaliste du prix Rachel Carson de Lézé. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire finaliste, mais c'est shortlisté. Oui, voilà. C'est ça. Oui, je disais, comme beaucoup, j'imagine, entre nous, tu es à la fois un historien spécialiste de la Grande-Bretagne, j'allais dire classiquement comme tout le monde, hein, parce que tu as édité un grand classique avec Dominique Barjot en 2009. Et puis, alors tu nous diras peut-être, est-ce que tu as commencé par l'environnement ou est-ce que tu es venu à l'environnement? Et dans le petit monde de l'histoire environnementale, peut-être que ce qui te... Enfin, moi, c'est comme ça que je t'avais identifié au début. Ce qui te caractérise, c'est que tu fais quelque chose, alors tu vas peut-être pas être d'accord avec ma formulation, qui est plutôt de l'histoire culturelle. Non, je suis d'accord. Oui. C'est... Bon, ben, y a des gens qui font de l'histoire sociale, de l'histoire économique. Et, bon, mais tu... Je sais que c'est compliqué, les étiquettes comme ça. Donc, moi, ce que j'avais bien aimé dans un article qui avait précédé ça, où tu nous présentais une conception de l'environnement en Grande-Bretagne ou en Angleterre, je peux mélanger les pinceaux à partir de Wordsworth, que tu appelais une conception sentimentale. Non, alors là, je ne sais pas si on est dans l'histoire culturelle ou pas, mais c'était ce qui avait retenu un peu mon attention. Moi, je suis ravie pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça veut dire que tout le monde en RUCH ne fait pas de l'histoire environnementale franco-française. Et de temps en temps, on a besoin de réaffirmer qu'il n'y a pas le franco-français. Alors ça, c'est un peu un cocorico comme ça. Alors, je reviens sur la formulation de ta thèse sur l'émergence de la pensée. Je pense qu'on aura beaucoup de questions à te poser. Je voudrais juste, avant de te laisser la parole, signaler que moi, ce qui m'a quand même le plus impressionné, je dois dire, dans ton ouvrage, et ça a à voir avec, avec le destin du livre, c'est la pluralité, la diversité, mais extrême de tes sources. Et si tu as une spécificité qui est de faire de l'histoire culturelle, je pense que tu as aussi une spécificité qui est de ne pas faire que de l'histoire de l'écrit. Oui. Donc je trouve que c'est le cas d'un peu de trop d'entre nous et dans tes sources, on a de la peinture, de la poésie, tout ce qu'on peut trouver d'autre d'écrit, et je trouve que ça te caractérise aussi. Bon, je ne vais pas en dire plus. 1h15 1h15, je ne me suis pas chronométré, mais j'essaie d'arrêter au maximum à 6h30. Voilà, de manière à ce qu'on ait le temps d'une discussion, puis peut-être de quelques échanges. Il y a toujours des annonces en fin de séance sur les événements à venir. Ah, voilà. Bien. Merci beaucoup Marie-Hélène, merci aussi aux Ruches de m'avoir permis de vous présenter donc aujourd'hui mes travaux, et en particulier donc ce livre que je vais faire passer, du coup, comme ça vous pourrez jeter un œil pour ceux qui n'ont pas encore acheté. La publication de ma thèse, donc, qui s'intitulait effectivement l'émergence de pensée environnementale en Angleterre au 19e siècle, et qui est devenue donc, pour des raisons en partie commerciales, In Nature We Trust, les paysages anglais à l'ère industrielle. Je reviendrai sur le choix de ce titre tout à l'heure. Mon objectif était de travailler sur la façon dont les hommes, et en l'occurrence les Anglais, voyaient leur rapport à l'environnement naturel évoluer au 19e siècle, à la suite des bouleversements industriels et urbains du 18e siècle et du 19e siècle. Avec l'hypothèse qu'il y avait bien quelque chose qui devait changer à ce moment-là, quelque chose que je voulais comprendre. Et très étonnamment, la bibliographie que je vais... Alors je vous présente une bibliographie très synthétique, évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais c'était juste à titre indicatif, traitait peu de ces aspects-là. Alors il y a deux ouvrages qui m'ont influencé, que j'ai mis en début, celui de Keith Thomas, Man and the Natural World, Changing Attitudes in England, from 1500 to 1800, qui, comme le titre l'indique, travaille sur les attitudes changeantes donc des Anglais à leur environnement naturel. Et j'étais très étonné en lisant cet ouvrage qui est extraordinairement bien fait, très intéressant, très stimulant, là aussi avec des sources de tous ordres, déçu du fait qu'il s'arrête en 1800. Mais en même temps, ça m'ouvrait une fenêtre, et sans grande modestie, je me suis dit, tiens, et si on continuait ce qu'a fait Keith Thomas pour le 19e siècle? Donc vraiment, l'idée, c'était de poursuivre ces réflexions pour voir ce qui se passait justement dans ce siècle, qui est le siècle de l'industrie et de l'urbanisation. L'autre ouvrage qui m'a beaucoup influencé, et je suis content que son auteur soit présent, c'est Les figures paysagères de la nation, de Monsieur Walter, qui abordait ces questions-là sur l'ensemble de l'Europe. Et qui a été, d'un point de vue conceptuel, qui m'a beaucoup aidé, disons, dans l'élaboration de ma pensée. Et c'est pourquoi je vous remercie encore d'avoir fait l'avant-propos de mon ouvrage. Pour ce qui est de l'Angleterre plus précisément, quand j'ai commencé ces travaux, donc il y a maintenant un certain temps, il n'y avait que deux ouvrages vraiment intéressants sur le sujet. Celui de James Winter, Secure from Russia's Salt, Sustaining the Victorian Environments, qui avait cette étrange particularité de travailler par thématique, c'est-à-dire qu'il faisait des chapitres sur des aires géographiques, donc les Outlands d'Écosse, ou les forêts et les bois, ou alors il travaillait sur des objets, les trous ou les tas, il y a un chapitre rose, un chapitre hips, sur l'agriculture également, ce qui, à chaque fois, ces chapitres étaient très intéressants, vraiment très bien problématisés, avec beaucoup d'informations, mais son approche empêchait d'avoir une vision globale et une vision surtout chronologique en fait des questions. On la trouve, cette vision chronologique, chez Jeremy Burkhart dans Paradise Lost, mais cette fois un peu diluée par le fait qu'il travaille sur deux siècles, et que vu le format de son ouvrage, il ne pouvait pas aller dans les détails sur certaines questions. Donc là encore, ces deux ouvrages ont été très utiles, mais il me semblait qu'ils avaient besoin d'être complétés par une approche plus précise sur le 19e siècle et plus problématisée. Alors depuis que j'ai fait ma thèse et que cet ouvrage a entre autres été en voie de publication, parce qu'il a fallu 3 ans pour qu'il paraisse, il y a eu 2 autres ouvrages importants sur la question qui sont parus, celui de Paul Ridman, Land and Nation in England, qui traite plus spécifiquement de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et comme le titre l'indique, sur les rapports entre le nationalisme et la terre, et celui de Harriet Ridvaux, The Dawn of Green, qui a été un grand chagrin pour moi, puisque en fait Madame Ridvaux m'a pris de court, puisqu'elle a cet ouvrage porte sur une controverse autour du lac de Thurmond, dont je vais vous parler longuement tout à l'heure, qui était une controverse effectivement essentielle pour le mouvement environnemental et sur laquelle je voulais moi-même écrire. Voilà, c'est la loi des chercheurs que de voir d'autres prendre certaines thématiques. Donc ces ouvrages donc sont les grands ouvrages qui traitent de la question. Et tous faisaient le constat d'un essor du mouvement environnemental à partir du dernier tiers du 19e siècle. Mais peu d'entre eux s'interrogeaient sur les raisons pour lesquelles ce mouvement environnemental connaissait justement cet essor à ce moment-là, et sur l'idéologie sur laquelle il s'appuyait. Qu'est-ce qui le constituait et d'où cela venait. Et c'est ce que j'ai voulu finalement faire dans mon travail en revenant en arrière, donc en essayant d'en voir les origines. Donc cela m'a amené à travailler donc sur une question d'émergence d'une pensée, effectivement, donc sur les premiers pas de ce rapport nouveau à l'environnement naturel, à choisir une chronologie assez longue, puisque j'ai dû, en revenant en arrière, aller de plus en plus en arrière, et j'ai fini par commencer au milieu du XVIIIe siècle, rapidement, je n'ai rien apporté de neuf sur le milieu du XVIIIe siècle, mais j'ai dû m'appuyer sur ce qui avait été fait pour comprendre la suite, et aller jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le choix de 1914 pour m'arrêter est un choix pratique, mais qui objectivement n'a pas grand sens, puisque tout ce que je présente en fait trouve son apogée dans l'entre-deux-guerres. Alors je m'en suis sorti en disant que je travaillais vraiment sur les débuts et l'émergence d'un mouvement qui se constituait, et que du coup l'entre-deux-guerres, qui était le mouvement qui s'affirmait, m'intéressait moins. Bon, je dois admettre que c'était plus une pirouette qu'une vraie raison scientifique, mais il y a aussi un moment où il faut savoir s'arrêter. Un siècle et demi, c'était déjà suffisant pour un travail de thèse. Géographiquement, en revanche, il y a une vraie cohérence au fait que je me concentre uniquement sur l'Angleterre et non pas sur la Grande-Bretagne, puisque alors Angleterre, à laquelle je rajoute le Pays de Galles, dont j'estime qu'il est suffisamment rattaché depuis longtemps pour que les problématiques se rapprochent, mais pour ce qui est... Oui, Philippe, oui, c'est vrai que je pense pas qu'ils les apprécieraient. Mais pour ce qui est de l'Écosse ou de l'Irlande, là, bien entendu, les problématiques, notamment paysagères, sont très différentes, et du coup, je les exclus de mon champ d'étude. Thématiquement, j'ai choisi de traiter d'une nature sans animaux, parce que là encore, il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites, notamment par Harriet Ridvaux, mais aussi parce que certaines problématiques étaient différentes. C'est plus problématique au sens où les mouvements de protection des oiseaux sont très importants dans justement une sensibilité nouvelle à l'environnement naturel. Donc ça pouvait être problématique de les mettre de côté, mais là encore il a fallu faire des choix. Il me semble qu'on pouvait dire des choses quand même assez sérieuses sans parler des animaux et notamment des oiseaux. C'est en revanche j'ai une conception générale de l'environnement au sens où j'y inclus la nature, enfin la protection de la nature et la lutte contre les pollutions, qui sont deux mouvements séparés mais qui finissent par converger dans les années 1880. Et il m'a donc paru intéressant d'analyser les deux. Sachant que beaucoup de choses aussi avaient déjà été faites sur la lutte contre les pollutions, donc là encore ce n'est pas le cas de plus neuf dans mon travail, mais j'ai voulu offrir une synthèse en fait donc de ces deux mouvements, de leur cheminement parallèle et de leur convergence dans les années 1880. J'utiliserai donc le mot environnement et environnemental assez souvent, c'est bien entendu anachronique, mais si on veut être un minimum élégant avec la langue française en l'occurrence, on est obligé d'avoir recours à cela, donc j'ai bien conscience que ce n'était pas utilisé à l'époque, mais c'est pratique, et donc vous me pardonnerez cet usage. Pour étudier donc ce sujet, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés, j'ai dû faire un certain nombre d'hypothèses. Il y avait 3 problèmes principaux qui se posaient pour une histoire qui est effectivement, enfin que je considère comme une histoire culturelle, une histoire des représentations. Le premier, c'est le choix des sources. Alors, j'ai apprécié ton compliment, Marie-Hélène, à propos de la diversité des sources, parce qu'effectivement c'est quelque chose que j'ai voulu, qui me tenait à cœur, mais qui n'est pas sans poser de problème. Donc j'ai effectivement choisi de travailler aussi bien sur des tableaux que des caricatures, des tableaux de grands peintres ou de peintres mineurs, des poèmes, des nouvelles, là encore par des écrivains majeurs ou mineurs, des chansons, des lois, des textes des rapports du Parlement, des chansons ouvrières. Enfin, j'ai essayé de varier les sources autant possible. C'est bien entendu ce qui, à mon sens, est très intéressant quand on fait une histoire des représentations, une histoire culturelle, c'est l'une des grandes richesses de cette approche. C'est aussi son danger, parce qu'il est très facile de se faire écraser par cet ensemble de sources, puisque tout peut faire source, par définition. J'ai songé à les hiérarchiser, pour essayer de l'organiser un petit peu, cet amas de sources. Je n'ai pas trouvé de moyen de le faire. J'ai essayé donc de les multiplier pour autant, encore une fois, être écrasé par cette profusion. Après, il est très difficile, évidemment, de trouver son chemin, en fait, dans toutes ces sources. La deuxième difficulté, qui est un reproche qu'on a fait à mon travail, qui est de faire une histoire des représentations sans histoire du paysage. Est-ce qu'on peut travailler sur les représentations de quelque chose sans travailler sur sa réalité concrète ? Alors, non, évidemment. Mais l'Angleterre a très tôt, enfin les Anglais ont très tôt opéré des histoires du paysage, et mon objectif n'était pas du tout d'en faire une nouvelle, ni de rajouter quoi que ce soit à cela. Je me suis appuyé autant que j'ai pu sur les histoires existantes, en ayant tout à fait conscience, donc il fallait évidemment essayer de mêler autant que possible la représentation et la réalité concrète. Alors j'ai peut-être effectivement eu le penchant de parler plus des représentations que de la réalité, mais là encore, il ne s'agissait pas d'évacuer ce travail préliminaire nécessaire qui était de voir comment concrètement les choses ont changé au XIXe siècle. Troisième problème qui était peut-être le plus difficile en fait à régler, celui que j'appelle la population du général et du singulier. Géographiquement, il s'agissait de se demander si je pouvais parler de l'émergence d'une pensée environnementale au niveau national sans m'interroger sur ce qui se passait au niveau régional ou local, et quels étaient les liens qui s'établissaient entre ces différents niveaux. J'ai tenté de compenser ce danger, de pallier ce danger, en faisant des études plus précises sur des mouvements locaux de défense de l'environnement, notamment à Manchester, et de varier les échelles autant que possible, d'autant qu'effectivement, parfois, les mouvements locaux ont eu un impact sur les mouvements au niveau national. Donc, il a fallu essayer de naviguer entre ces différentes échelles. D'un point de vue sociologique, plus généralement, le problème est de se demander quels peuvent être les liens entre une opinion publique nationale, l'opinion de groupes plus restreints, régionalement ou sociaux, et les pensées de certains individus. Si tant est qu'en plus on puisse déterminer ces opinions publiques et si elles existent. Donc ça fait beaucoup de si, beaucoup d'hypothèses. Il fallait pour cela prendre en compte d'abord le fait que la pensée humaine n'est pas cohérente. Sauf chez de grands penseurs qui sont ceux sur lesquels on travaille. Un penseur comme Wordsworth ou quelqu'un comme Ruskin dont je vais vous parler dans un instant, met en conformité en général, et c'est ce qui fait sa grandeur de pensée, toutes ses pensées entre elles, et en général sa pensée et son action. Vous comme moi, peut-être que je m'avance pour vous, mais sommes parfois incohérents et pouvons affirmer des choses et dans notre quotidien agir différemment, avoir des pensées qui ne sont pas toujours cohérentes entre elles, etc. Et du coup, évoquer l'émergence d'une pensée environnementale dans la population, c'est risquer d'oublier que on peut dire oui, je tiens à ce que certains paysages soient protégés et en même temps défendre la création d'un réservoir dans un lieu protégé, la construction de chemins de fer dans des espaces qui sont aimé par d'autres, etc. Donc il faut vraiment prendre conscience de ce danger. Et par ailleurs, bon, évidemment, l'idée d'une opinion publique peut être questionnée, elle a été faite souvent. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est déterminer la convergence de pensée chez la majorité des membres d'une communauté nationale ou sociale. Vous voyez, il faut prendre beaucoup de précautions pour affirmer cela. Donc une convergence de pensée dans une majorité de personnes dans une communauté nationale ou sociale. Et la dernière chose, c'est que les sources dont on dispose, même si je les ai variées autant que possible, et encore au XIXe siècle, ont un biais qui les, par le fait qu'elles sont produites essentiellement par des classes moyennes ou supérieures, et que donc on a essentiellement leurs opinions qui sont exprimées. Bien sûr que j'ai essayé de chercher des sources issues de milieux sociaux moins aisés, j'ai trouvé quelques biographies de travailleurs, mais encore une fois, s'ils écrivent, ce sont sans doute des travailleurs plutôt éduqués, donc est-ce qu'ils sont représentatifs du monde du travail? J'ai trouvé des chansons ouvrières, des chansons socialistes chantées par ces ouvriers, bon. Mais elles restent moins abondantes que les sources issues des classes moyennes, et donc il y a un biais là encore à prendre en compte. Donc tout ce que je fais dans ce travail, dans cet ouvrage, tend simplement à essayer de déterminer et d'analyser un mouvement général de la société anglaise et de sa culture dans son rapport à la nature. Ce qui suppose une hypothèse de fond, qu'il existe des mouvements justement qui portent les sociétés et qui peuvent être déterminés sur une période assez globale comme le XIXe siècle. On parle après tout des Lumières, on parle du romantisme, il me semble qu'on peut parler du coup d'un rapport particulier des Anglais à leur environnement naturel au XIXe siècle. Ça ne veut pas dire que chacun des habitants de l'Angleterre sera forcément d'accord avec ce mouvement de fond, mais qu'il se positionneront, ou que se passe par rapport à ce mouvement, et que ce mouvement traversera la société sur cette période. C'est une hypothèse fondamentale qu'on peut tout à fait critiquer, mais qui est celle sur laquelle je m'appuie pour vous présenter ce travail. Alors, toutes ces précautions étant données, j'ai abordé cette question autour de quatre temps. Le premier, qui est le préambule de l'ouvrage, porte sur les fondements d'une pensée environnementale. Qu'est-ce qui permet, quelles sont les conditions d'existence d'une pensée environnementale? La première partie évoquera les premiers combats environnementaux à partir des années 1830-1840. La deuxième partie, l'essor du mouvement environnemental dans le dernier tiers du XIXe siècle. Donc là, je reprends ce constat en essayant peut-être de l'affiner ou d'en montrer les enjeux. Et la troisième partie, qui est plus thématique, portera sur l'organisation et les interrogations du mouvement environnemental. Alors tout d'abord, donc les fondements de la pensée environnementale anglaise. Pour que j'ai émis l'hypothèse que pour qu'un nouveau rapport à l'environnement puisse surgir et qu'on souhaite le protéger, il fallait d'abord que cet environnement naturel soit valorisé, et ensuite qu'il soit menacé. Et que c'est cette double combinaison d'une valorisation et d'une menace qui rendait possible un souci de préservation. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce tableau pour la couverture de mon ouvrage, qui est un tableau donc d'un peintre pas du tout connu, William Cowan, qui est une vue de la ville de Bradford, en 1849. Et ce tableau avait le mérite de montrer justement ces deux aspects. D'un côté, dans le fond, alors on a centré d'ailleurs la couverture sur la partie gauche du tableau puisqu'elle était plus directement liée à mes questionnements. Donc d'un côté, donc la ville industrielle avec ses cheminées qui dégagent donc ses fumées et qui créent une menace dans le loin. Et au premier plan, et très séparé, y compris par ce mur, un paysage rural et un paysage, et justement un paysage, pas juste une nature, mais un paysage qui est vu, qui est apprécié et qui correspond à un certain type de paysage qui sera valorisé en Angleterre sur cette période. Et donc on a vraiment cette confrontation des deux mondes, le monde industriel et urbain dans le fond, le monde de la vieille Angleterre pittoresque au premier plan, qui vont constituer justement cet affrontement sur lequel s'appuiera le mouvement environnemental. Donc tout d'abord, cette valorisation de la nature, elle se fait d'abord par une meilleure découverte des paysages anglais, de la nature anglaise. Cette découverte, elle est immédiate par le développement du tourisme, et donc la vogue aussi des randonnées dans la nature. On a par exemple beaucoup d'études sur l'histoire, les mouvements d'histoire naturelle chez les ouvriers à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, qui renvoient les ouvriers finalement à une nature de laquelle ils sont séparés. Mais c'est aussi une découverte médiatisée par la peinture de paysages, par la littérature, Il y a une toute une littérature de la nature qui se déploie à partir du milieu du XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui en Angleterre, mais qui connaît vraiment une importance majeure au XIXe siècle. Et cette redécouverte de la nature va amener à détacher un paysage particulier qui va se voir, qui va se mettre à incarner un certain nombre de valeurs anglaises. Ce paysage est le paysage pittoresque. Alors le pittoresque est une notion qui est développée justement au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, notamment par William Gilpin. Et l'évolution du mot pittoresque est très intéressante puisque c'est d'abord un terme qui désigne un type de peinture, ce qui est agréable à voir en peinture, c'est la définition que donne Gilpin du pittoresque. Et au fur et à mesure de la publication d'ouvrages de peinture représentant des paysages pittoresques, ce mot va en venir à définir un paysage particulièrement anglais. Ce paysage particulièrement anglais, c'est celui que vous connaissez tous quand je vous parle d'un paysage anglais, c'est-à-dire un paysage de haies. C'est très important les haies. J'ai fait un petit sondage aussi, alors qu'il n'y a rien de scientifique, mais auprès d'amis vivant en anglais, enfin, d'anglais, je leur ai dit pour vous c'est quoi un paysage anglais. Première chose, c'est des haies. Il faut qu'il y ait des haies pour que le paysage soit anglais. Il faut qu'il y ait des prés, il faut qu'il y ait des rivières de préférence sinueuses, des moutons c'est parfait, des ruines sur une colline c'est encore mieux, et le tout donc habité à taille humaine, un paysage qui est varié mais mesuré et entretenu. Et ce paysage, il est vanté effectivement dans vraiment un courant entier de la peinture anglaise du début du XIXe siècle, qu'on voit alors chez Constable évidemment, notamment dans ce tableau qui est un de ses plus célèbres, The Hay Wain, qui date de 1821. Il est intéressant de constater que ce tableau, Constable ne sera pas un peintre très célèbre de son vivant. En revanche, ce tableau qui est exposé à la National Gallery sera un des tableaux les plus reproduits, les plus copiés à la fin du XIXe siècle, lorsque justement le mouvement environnemental connaîtra son plein essor. Et alors il vous présente justement tout ce qu'il y a de plus pittoresque avec la petite chaumière, la rivière, les prés derrière, les bosquets d'arbres, etc. Alors je vous montre, donc là on a quand même affaire au moins à un peintre de renom, ce qui n'est pas le cas de Miles Burkett Foster, qui dans ce tableau qui s'intitule The Milkmaid, qui date de 1860, nous montre, alors là vraiment là vous avez les moutons justement, c'est encore mieux, l'incarnation même de ce que c'est qu'un paysage pittoresque, vous voyez, donc très varié avec justement ces haies, ces prés, ce paysage de presque de bocage en fait. Miles Burkett Foster n'est pas un grand peintre, mais c'est le peintre de paysage le plus apprécié au milieu du XIXe siècle. Ses toiles se vendent excessivement bien, et il se fait une véritable renommée comme peintre de paysage à cette période. Et c'est le cas également de Helen Allingham, qui sera son élève et qui se rendra célèbre par ses aquarelles. Elle sera d'ailleurs la première femme à être accueillie dans la Société Royale d'Aquarellistes anglaise. Et alors, bon, là on est, c'est presque encore pire, je dirais, mais on a voilà la même tendance. Si vous regardez ces toiles, c'est ça, répété 20 fois, c'est-à-dire le petit cottage, la campagne traditionnelle anglaise qui n'aurait pas évolué. Et là, on est quand même encore au début du XXe siècle. Donc on a vraiment cette volonté de représenter quelque chose qui n'a pas changé et qui est la vieille Angleterre ancrée dans ses traditions et dans sa campagne. Cette peinture de paysage va se choisir un lieu d'élection, qui est la région des lacs, donc au nord-ouest de l'Angleterre, qui va être le lieu en Angleterre qui va le mieux incarner justement ce paysage typique anglais. Alors attention, je ne dis pas que les Anglais n'aimaient que les paysages pittoresques. Il y a une vogue certaine pour ce type de paysage, en particulier dans la première moitié du XIXe siècle. Le goût paysager anglais va évoluer. On va se mettre à aimer plus de paysages différents, notamment les paysages de landes qui étaient détestés au tout début de la période vont être de plus en plus représentés en peinture et commencer à trouver un début d'appréciation, mais jamais ces autres paysages ne remplaceront le paysage typiquement pittoresque que je viens de vous décrire dans l'imaginaire anglais. Ces paysages, on pourra les trouver beaux, mais ils seront jamais anglais. Alors que le paysage pittoresque est justement, et notamment celui de la région des lacs, est justement ce qui est parfaitement anglais. Donc, découverte de la nature et émergence d'un paysage particulier qui se met à incarner quelque chose de typiquement anglais. Parallèlement à cela, ce sont les menaces sur ces paysages qui vont se multiplier et dont on va prendre conscience. Menaces qui sont celles de l'industrie et de la ville. J'avais au départ d'ailleurs fait une hypothèse fausse qui était que l'industrie était la principale responsable des inquiétudes environnementales pour ce qui était des paysages. Pas du tout, c'est les villes qui inquiètent le plus. On le voit par exemple dans cette caricature que j'aime beaucoup, qui s'intitule donc London Going Out of Town, donc Londres qui s'échappe de la ville. Alors on lit pas bien ce qui est écrit sur les petites affiches, mais vous voyez donc les briques et le mortier, c'était comme ça qu'on appelait bricks and mortar, qui se mettent à attaquer la campagne anglaise. Alors vous voyez, on scie les haies, justement, les meules de foin s'enfuient de peur d'être incendiées par les briques qui les attaquent, etc. Donc on a vraiment cette image très sensible et qui date de 1829, de cette attaque de la nature et de la campagne par les villes. Et c'est un grand caricaturiste, hein, Cruikshank, ce n'est pas n'importe qui a dessiné cette caricature, qui montre aussi donc ces volutes de fumée qui recouvrent les espaces verts. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de constater que la prise de conscience de cette menace de la ville, et donc aussi quand même de l'industrie pour d'autres espaces, ne surgit véritablement que dans les années 1830-40. Auparavant, on n'a pas mesuré que le développement industriel et urbain était appelé à être global et pérenne. On pensait pouvoir revenir en arrière. On pensait que ce n'était qu'une partie de l'économie qui allait subir l'industrie, mais que rien n'allait finalement complètement être bouleversé. Et ce sentiment du bouleversement, il ne se fait encore une fois que dans les années 1830-1840. Alors, j'en apporte différentes preuves dans mon travail, mais parmi ceux-ci, il y a le langage, par exemple. Ce ne sont que dans ces années-là qu'on commence à parler d'un système industriel, factory system, à travers une multiplicité d'ouvrages qui traitent de cette question. C'est le moment aussi où le chemin de fer prend son essor et recouvre justement le pays d'un réseau, un réseau qui rend visible justement ces transformations et qui les accélère. C'est le moment aussi où des hommes politiques prennent conscience que l'Angleterre dépend désormais de son industrie et que le chemin qui a été pris est irréversible. On a beaucoup d'exemples qui amènent à cette constatation. Et du coup, on commence à voir également se constituer une image particulière du paysage industriel. Paysage industriel qui est l'antithèse parfaite du paysage rural pittoresque. C'est un paysage, alors là, c'est un photomontage que je vous montre ici, donc entre un tableau au fond qui représente la région des poteries dans les Midlands, et une ville de cette région. Le paysage industriel va être donc en tout point opposé au paysage pittoresque qu'on construit. Et on a vraiment une construction parallèle de ces deux identités, l'Angleterre moderne industrielle et l'Angleterre rurale ancienne, avec des termes qui vont s'opposer l'un à l'autre. Là où, encore une fois, c'est le pittoresque qui prévaut pour la campagne, pour l'industrie, lorsque on la représentera, et ce sera rare, ce sera le sublime. On préférera représenter des paysages industriels la nuit, parce qu'on a les rougeoiements des forges, on a cette espèce de gigantisme qui vous écrase, et qui du coup rend les choses représentables. Le paysage industriel sera un paysage uniforme, alors que le paysage pittoresque sera au contraire varié. Le paysage industriel sera démesuré, inhumain, alors que le paysage pittoresque sera à taille humaine et au contraire entretenu par l'homme. Le paysage, etc. On peut vraiment continuer ce tableau. Il est très intéressant de voir qu'on a donc deux identités qui s'opposent terme à terme. Donc je voulais juste vous montrer ces représentations. Certaines, celle-là est très très drôle. Elle s'intitule Fresh air for the potteries, donc de l'air frais des poteries, évidemment, avec là, on a une vraie photographie du coup, où on mesure quand même l'ampleur des pollutions atmosphériques à cette période. Donc on a, dans les années 1830-40, les deux conditions de surgissement d'un souci de l'environnement qui sont là, c'est-à-dire à la fois des paysages valorisés pour leur valeur, notamment nationale, et de l'autre côté, une menace sur ces paysages, qui est enfin comprise dans sa globalité et dans sa pérennité. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très symbolique dans cette photographie d'un arbre à l'intérieur du Crystal Palace. Donc le Crystal Palace, c'est cette ce palais de cristal qui a été construit pour l'exposition universelle de 1851 et qui avait été installé dans le parc de Hyde Park à Londres. On avait commencé par couper des arbres pour installer la structure de verre, et devant les protestations de la population, on a fini par construire le palais autour des arbres. Et on a donc là cette nature anglaise isolée dans ce palais de cristal qui est un palais de l'industrie, puisque l'exposition universelle était une exposition de l'industrie, et qui est en plus un palais de verre construit à l'image d'une serre. Joseph Paxton, qui en est l'architecte, était quelqu'un qui avait construit des serres et qui était un architecte paysager. Et on a donc bien là le symbole même justement de ce souci de l'environnement qui naît au cœur même de l'Angleterre industrielle. Alors, ce souci de l'environnement va amener un certain nombre de combats. C'est la première partie de mon livre. J'y arrive enfin après une demi-heure de parole. Il est temps. Et ces premiers combats vont se former d'abord autour d'une... Enfin, vont plutôt amener à la mise en place d'une pensée originale, qui est celle de William Wordsworth, dont Marie-Hélène a parlé tout à l'heure, qui est donc un grand poète. Et à mon sens, et je ne suis pas le seul, l'un des premiers grands penseurs de l'environnement en Angleterre, et celui qui va fonder tout le mouvement environnemental dans ce pays. Alors il le fait à travers ses écrits, à travers ses poèmes, à travers un guide des lacs, qui est le guide le plus célèbre de la région des lacs, et qui va amener d'ailleurs beaucoup de gens à la visiter, et dans lequel Wordsworth, dès 1835, appelle, dans sa conclusion, à le transformer en une sorte de propriété nationale. La région des lacs de devenir une sorte de propriété nationale. 1835, les premiers parcs qui seront créés aux États-Unis, c'est Yosemite dans les années 60. Donc on a vraiment là une pensée très originale et très neuve, et d'autant plus importante, qu'elle va se traduire par un combat. Wordsworth n'est pas seulement un homme de lettres, c'est un homme d'action, qui en 1844-45 va tenter de s'opposer à la mise en place d'un chemin de fer dans la région des lacs, dont il craignait qu'il détruise justement certains paysages, et notamment aussi le calme de ces espaces. Et à l'occasion donc de son combat et de ses écrits, il va élaborer donc cette conception que j'ai appelée sentimentale de l'environnement, qui unit trois points de vue. Un point de vue spirituel, un point de vue esthétique d'abord, la nature est vue comme un paysage. Un point de vue patriotique, ce paysage incarne des valeurs nationales, c'est un paysage anglais. Et un point de vue spirituel, cette nature, ce paysage donne accès, alors pour Wordsworth à la divinité, pour d'autres au moins à une moralité supérieure. Et d'emblée, cette conception, elle unit une protection donc des espaces naturels, mais aussi des bâtiments historiques, des monuments historiques. Dans la même année 44-45, Wordsworth va se battre aussi contre la construction d'un chemin de fer à proximité de l'abbaye de Furness, qui est en ruine et qui est un bâtiment absolument magnifique. Donc c'est bien une conception patrimoniale dès le départ qui est présentée par Wordsworth. On a bien là quelque chose de tout à fait exceptionnel quand même. Un poète qui agit et qui met en place une pensée qui aura une telle influence dans le mouvement de protection de la nature, c'est quand même assez neuf, et je n'en vois personnellement pas d'équivalent en France au XIXe siècle. Alors parallèlement à son combat, d'autres mouvements vont se mettre en place pour protéger des espaces verts, sans forcément tout de suite évidemment se référer à la pensée de Wordsworth. Il faudra quelque temps pour qu'elle soit suffisamment répandue et popularisée pour qu'on puisse évidemment s'y référer. Donc on a des combats autour de deux types de mesures. Le premier, c'est de rendre la ville habitable en unissant autant que faire se peut la ville et la campagne. Donc c'est certaines utopies qui essayent de mêler les deux. C'est aussi la multiplication de parcs, de squares et de jardins dans les villes. Ce n'est pas un hasard à mon sens si c'est dans les années 1840-50 qu'on voit apparaître et s'ouvrir les premiers parcs. Alors, s'ouvrir les parcs à Londres, ils existaient déjà mais ils s'ouvrent au public, et se construire des parcs dans les grandes villes industrielles, Manchester, Liverpool, Birmingham, c'est à ce moment-là qu'on commence à les construire. L'autre voie était d'offrir de l'air pur aux citadins en rejetant la ville au profit de la campagne. C'est ce qu'on voit notamment dans le mouvement de protection des communaux et des droits de passage dans l'entourage des villes. je passe assez rapidement parce que le temps est compté, mais ces mouvements, donc ils sont nombreux, se font dans un certain désordre, aussi bien organisationnel qu'idéologique. On touche un petit peu à tout, on fait feu de tout bois pour arriver à ses fins. En général, on n'y arrive pas, d'ailleurs, il se solde par beaucoup d'échecs. Et ne se concerte pas. Et ce n'est que dans les années 1860, en fait, ce mouvement rentre dans une forme de professionnalisation, qui se manifeste à la fois dans certains textes législatifs qui encouragent, par exemple, la création de parcs, mais aussi dans la création de sociétés. La première étant la Commons Preservation Society. Alors j'aurais dû vous l'écrire, je l'écris un petit peu plus loin. Attendez, je vous montre son titre entier, je reviendrai en arrière après. Voilà, la Commons Preservation Society qui se crée donc en 1865 et qui est la première société de défense de l'environnement au niveau national en Angleterre et qui cherche à protéger les communaux autour de Londres. L'objectif était simple. Les villes, et notamment Londres, s'étendant, on avait besoin donc de construire évidemment de nouveaux bâtiments. Les communaux, par coutume, étaient utilisés par les populations, notamment villageoises, au départ lorsqu'elles étaient encore agricoles pour faire paître les animaux, pour ramasser du bois, lorsqu'on devenait plutôt des villes de banlieue, simplement pour le délassement des populations, pour y pratiquer des sports de plein air, etc. Les châtelains qui prétendaient avoir un droit de propriété sur ces terrains et ne laisser finalement qu'un droit d'usage aux villageois et aux habitants qui entouraient ces communaux, ont vu leur opportunité de mettre la main définitivement sur ces terrains et de les revendre à prix d'or aux spéculateurs qui construisaient ensuite des terrains là-dessus. Et la Commons Preservation Society a voulu s'opposer à ce mouvement, en empêchant l'enclosure de ces communaux et en défendant les droits des utilisateurs de ces espaces. Alors, je reviens en arrière, voilà. Elle a été fondée donc par ce monsieur, George John Shaw Lefebvre, qui était un député libéral radical. Et cette société va montrer son professionnalisme d'abord par un choix précis d'objectif. Il ne s'agissait pas de faire feu tout bois, on voulait simplement protéger les communes autour de Londres. On voulait le faire avec des moyens très précis qui étaient du lobbying au niveau du Parlement et du pouvoir, et elle réunissait beaucoup de députés, par l'action donc législative, en proposant des lois au Parlement. Dès 1866, une loi est votée. Et par l'action judiciaire, on a intenté un nombre incroyable de procès pour parvenir à ses fins. Et là encore, on a réuni des gens qui avaient les moyens de le faire. Elle était constituée d'énormément d'avocats et de grands talents pour la plupart. Donc, on a une vraie rupture avec les pratiques précédentes, avec une approche beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus professionnelle des questions, et ça va porter ses fruits. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes allé à Londres, mais vous connaissez sans doute Hampstead Heath, ce grand espace vert qu'on trouve dans l'entourage de Londres. Eh bien, s'il existe encore, on le doit à la protection de la CPS, qui en a obtenu donc la protection en 1868. Donc c'est une société qui va avoir une vraie efficacité pour cette protection et les premiers mouvements de protection des espaces verts. Parallèlement, je vais en parler très rapidement, la lutte contre les pollutions est entamée. Elle se heurte à énormément de difficultés et de résistances, qui sont des résistances, ça je pourrais y revenir tout à l'heure si vous le voulez, scientifiques, des résistances techniques, des résistances politiques et des résistances culturelles, que ce soit dans la lutte contre la pollution atmosphérique ou dans la lutte contre la pollution des cours d'eau. Et là encore, on constate, et c'est assez étonnant de voir cette similitude chronologique, on constate une professionnalisation et une plus grande réussite de la lutte contre ces pollutions à partir de la fin des années 50 et des années 60. Donc on a ici une certaine convergence chronologique de ces deux mouvements, où donc dans les années 60, on constate enfin l'aboutissement d'un certain nombre de mouvements et de contestations qui sont nés auparavant. Donc cette période des années 1830, la fin des années 1860, est importante parce que c'est vraiment une période de formation, une période d'expérimentation qui me semble importante pour comprendre l'émergence par la suite dans les années 70 vraiment de ce mouvement environnemental. Il a fallu toute cette période encore une fois de tentatives parfois ratées, de bouillonnement intellectuel et très concret associatif pour que finalement on assiste dans les années 70 à un véritable essor du mouvement environnemental. Donc ça c'est le deuxième temps de mon travail, donc cet essor à partir des années 70. Donc sur le fond, je n'apporte rien de neuf au sens où tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement il y a bien quelque chose qui se passe dans ces années-là. Si ça peut se passer, encore une fois, c'est parce qu'il y a eu ce que je viens de vous exposer et parce que on a des succès très frappants du mouvement environnemental qui prennent place à ce moment-là. Pour ce qui est de la CPS, son plus grand succès aboutira en 1874 avec la protection d'une forêt à l'est de Londres, qui est la forêt d'Epping, E-P-I-N-G, qui représente quand même 3000 hectares de terre, ce n'est pas un petit espace, et elle sera protégée donc grâce à l'action de la CPS, grâce à un procès qu'elle attentera à la ville de Londres notamment. L'autre grand moment des années 70 pour ce qui est de la protection de la nature, c'est justement cette controverse de Surmire, dont Harriet Ridvaud donc a fait cet ouvrage dont je vous parlais auparavant. Alors voilà une représentation très belle, je trouve, du lac de Surmire, donc dans la région des lacs. En deux mots, la ville de Manchester a voulu transformer ce lac en réservoir d'eau pour s'approvisionner en eau du fait de l'augmentation de sa population. Elle le décide en 1877 et elle est obligée de demander l'autorisation du Parlement du fait de l'ampleur des terres qu'elle devait acheter et des constructions qu'elle devait faire. Et la controverse est lancée par les défenseurs de l'environnement qui évidemment veulent s'opposer à ce mouvement. Et la controverse qui va avoir lieu donc en 77-78 est sans doute l'une des plus grandes controverses environnementales du siècle et va véritablement constituer un tournant dans le mouvement environnemental, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, elle va poser le cadre de réflexion de tous les combats environnementaux à venir, en opposant notamment ceux qu'on va appeler les sentimentaux, en anglais sentimentalists, qui sont ceux qui vont défendre donc, l'environnement, aux pragmatiques. Et de fait, la controverse va avoir un aspect éminemment symbolique. Vous avez d'un côté Manchester, la ville typique de l'industrie, et de l'autre, la région des lacs, le lieu même où s'incarne l'identité anglaise dans la nature. Et donc on a bien d'un côté les sentimentaux, c'est-à-dire ceux qui estiment avoir bon goût, être des esthètes, et de l'autre, les horribles pragmatiques qui ne pensent qu'à l'argent et qui n'ont aucun sens commun et aucun... Bon, c'est vraiment comme ça qu'on les présentait. On a vraiment une opposition même une opposition esthétique entre les deux. Et ce cas de réflexion vraiment va se retrouver au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale et même dans l'entre-deux-guerres où on opposera des arguments à peu près identiques. C'est aussi, et c'est la deuxième raison pour laquelle cette controverse est importante, le moment où la pensée de Wordsworth va revenir au premier plan. Elle avait été diffusée dans les années précédentes par aussi bien les écrits de Wordsworth que par des théoriciens comme John Ruskin, dont je vous parlerai dans un instant. Tous les défenseurs de l'environnement se référaient à lui ou à Ruskin, mais ils le font explicitement à partir de la controverse de Surmire, qui, par le fait même aussi qu'elle se déroule dans la région des lacs, appelle naturellement, disons, le renvoi à cette pensée. Et à ce moment-là, on va épurer la pensée de Wordsworth de quelques scories élitistes qu'il y avait encore, et vraiment se fonder sur cette conception sentimentale que je vous ai présentée, sur laquelle ils vont s'appuyer pour tous les mouvements dans la suite. Troisième raison pour laquelle cette controverse est importante, c'est un moment d'organisation du mouvement environnemental. Je vous avais dit qu'auparavant, donc on a agi dans le désordre. Ici, on voit converger différents mouvements, différentes personnalités qui vont être tout à fait essentielles pour la poursuite du mouvement dans le dernier tiers du XIXe siècle. Parmi ces personnalités, vous avez Robert Hunter, qui est l'avocat de la CPS. Et donc les trois personnes que je vais vous présenter vont toutes les trois être les fondateurs du National Trust, dont je vous parlerai dans un instant, et donc des personnalités qui vont avoir un rôle tout à fait central dans le mouvement environnemental. Donc Robert Hunter, avocat de la CPS, qui va être appelé au chevet de Surmire justement en tant que spécialiste du mouvement de protection de la nature. Donc déjà là on voit cette organisation meilleure, on fait appel à des gens qui savent et qui savent s'organiser. Le chanoine Hardwick Rumsey, qui lui avait agi directement dans la région des lacs, a passé sa vie là-bas, qui était quelqu'un d'assez insupportable en fait. Il se croyait poète parce qu'il était proche de Tennyson et écrivait des sonnets à tout va et en général de piètre qualité, et que j'ai dû lire, donc c'est pour ça que je lui en veux. Et Octavia Hill, qui était une femme, alors là, assez extraordinaire, une femme de caractère, qui était investie dans le mouvement philanthropique au départ, et qui dans les années 70 justement rejoint le mouvement de protection de la nature. Et ces trois personnalités vont se rencontrer pour la première fois au moment de la controverse de Stormir, avec d'autres, et vont vraiment porter le mouvement environnemental dans ces années. La dernière raison pour laquelle la controverse de Stormir est importante, c'est qu'elle c'est la première fois qu'aussi explicitement une controverse environnementale prend une importance et une dimension nationale. On en discute dans la presse, et pas dans n'importe quelle presse, hein, dans le Times régulièrement. On en discute au Parlement, puisque encore une fois Manchester a dû demander l'autorisation, mais cette fois ça donne lieu à des débats. C'est pas passé en catimini comme ça l'a été pour d'autres projets destructeurs de la nature. Et vous avez des parlementaires qui disent oui, la région des lacs est effectivement une propriété nationale. Elle a sens pour l'ensemble de la nation. Et on va mettre en place un comité qui va réfléchir sur la question, est-ce qu'on peut autoriser Manchester à construire ce réservoir ou non? Et ce comité va entendre et dire qu'il est prêt à entendre non pas seulement les habitants de la région des lacs, mais toute personne en Angleterre qui se sentirait lésée par la construction du réservoir. Ce qui est d'emblée déjà reconnaître justement que ce lieu, la région des lacs, a sens pour l'ensemble de la nation. Donc la dimension nationale d'emblée de la région des lacs, mais aussi des questions environnementales, elle prend corps au moment de cette controverse de Stormir dans les années 1877-1878. Alors elle est importante, mais elle va s'achever par un échec. La ville de Manchester aura le droit de construire le réservoir, mais elle sera contrainte de protéger autant que possible l'espace autour et de le modifier aussi peu que possible. On va vraiment prendre garde à ce que justement cet espace reste à peu près semblable à ce qu'il était avant la construction du réservoir. Alors sur cette lancée dans le cadre donc de cet essor du mouvement, on voit se multiplier donc les associations. Donc je vous ai fait la liste ici. Ce sont les associations les plus importantes. Alors je vous les cite rapidement. Il ne s'agit pas d'y passer trop de temps. Il y a donc la Curl Society, qui est une association créée par Octavia Hill justement en 1876, qui vise à apporter de la beauté aux habitants de Londres, et notamment de la beauté naturelle, en leur faisant aussi mieux sentir cette beauté, donc en les emmenant se promener parfois dans des espaces verts. J'ai mis dans cette liste la Société pour la protection des monuments historiques, qui est créée en 1877 par William Morris, dont je vous parlerai aussi dans un instant. Alors, il ne s'agit pas évidemment donc de protéger la nature ici, mais le mouvement environnemental étant inclus dans une conception patrimoniale des espaces verts, il est très proche dans ces thématiques, mais aussi dans ses personnalités et dans ses meneurs, de cette société qui va jouer un rôle important. On trouve également la Metropolitan Public Gardens Association, qui est créée en 1882, qui, comme son nom l'indique, vise à multiplier les jardins dans la ville de Londres, et qui en ce sens-là fait directement concurrence à la Curl Society. Donc il ne faut pas croire que tous ces gens-là s'adoraient et s'aimaient, il y avait des rivalités assez fortes. La Selborne Society, créée en 1886, qui est une société assez peu connue, sur laquelle il y a peu de travaux, et qui pourtant, à mon sens, est très importante, et je n'ai jamais pu le vérifier, mais je soupçonne qu'elle a joué un rôle fondamental dans la création du National Trust, et qu'elle vise plus généralement à développer l'amour de la nature dans la société victorienne. La Society for Checking the Abuses of Public Advertising, de 1893, donc qui a un nom à coucher dehors, et donc qu'on appelle en général SCAPA, qui vise donc, là son nom est assez explicite, à limiter la publicité abusive, et notamment dans les campagnes ou sur les falaises de Douvres. Il y a eu un grand scandale parce qu'on a voulu afficher sur les falaises de Douvres des publicités pour des pilules, et on s'est dit que là quand même il ne fallait pas débarrer de tels paysages avec ce genre de publicité. Et enfin, et je voudrais m'étendre un tout petit peu plus longuement sur cette association, le National Trust, créé en 1894-95, et qui est véritablement, à mon sens, l'aboutissement du mouvement environnemental. Alors, on ne pouvait pas deviner, à ce moment-là, l'avenir du Trust, bien entendu. Donc là encore, je ne veux pas faire d'anachronisme. Le Trust est aujourd'hui le deuxième plus grand propriétaire terrien d'Angleterre et très clairement l'une des associations qui a le plus modelé le visage de l'Angleterre aujourd'hui. Quand il a été créé, il s'agissait de créer une association qui avait les moyens, aussi bien légaux que financiers, de gérer des espaces verts. Aucune des autres associations n'était en mesure légalement de posséder un espace, une propriété, qu'elle pouvait ensuite rendre publique et gérer au nom de la nation. Le National Trust avait cet objectif-là et s'est donné les moyens de le faire. Il a été mis en place donc par les trois personnes que je vous ai présentées auparavant, Octavia Hill, le chanoine Rumsley et Robert Hunter. Et il vise également à fédérer ce mouvement, parce que ce succès que je vous ai présenté là, de la fin du XIXe siècle, donc il voit cette multiplication d'associations, dont, encore une fois, parfois, certaines se heurtent ou s'opposent, risquait d'entraîner un éparpillement du mouvement. Et le National Trust a, à mon avis, eu aussi le mérite et une volonté, pas toujours explicite, de fédérer ce mouvement en mettant un petit peu d'ordre et en organisant ce combat pour protéger donc autant que possible les espaces verts. Son nom complet, National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, indique bien qu'il est justement l'aboutissement du projet de Wordsworth. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer des sortes de propriétés nationales, c'est un National Trust, donc on est bien là dans le programme de Wordsworth en 1835. Il le fait dans une conception patrimoniale, donc à la fois esthétique, puisqu'on veut protéger des beaux paysages, et patriotiques, des paysages historiques qui ont sens pour la nation. Donc, et alors l'élévation spirituelle, l'aspect spirituel de cela est pas mis en avant dans le titre, mais très clairement les concepteurs du Trust et ceux qui l'ont mené concevaient bien que le contact avec la nature allait élever l'âme de la population et en particulier des plus pauvres des citoyens. Et juste pour parenthèse, c'est à cause de ce National Trust que j'ai intitulé mon ouvrage en Nature We Trust, pour essayer de faire un petit jeu de mots sur donc Nature Trust, National Trust. On fait ce qu'on peut pour essayer d'attirer des lecteurs. Donc le Trust est aussi l'aboutissement de la pensée de Wordsworth, au sens où, encore une fois, ceux qui le conçoivent se réfèrent à Wordsworth. On les voit citer des poèmes de Wordsworth, on les voit se référer à sa pensée et à son combat. Alors, pour ce qui est de la pollution sur cette période et de la lutte contre les pollutions, elle stagne globalement. On a quelques progrès, mais les ciels des villes anglaises restent extrêmement pollués, les eaux des fleuves anglais restent extrêmement polluées également. En revanche, on assiste à partir des années 1880 à un rapprochement entre, donc d'un côté, ceux qui luttent contre les pollutions, et de l'autre, ceux qui essayent, comme ceux que je vous ai présentés là, de protéger la nature. Et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi ce rapprochement et pourquoi à ce moment-là. Il m'a semblé qu'il tenait d'abord à ce succès même des défenseurs de la nature, qui constataient au contraire un certain retard de ceux qui luttaient contre les pollutions. Et aussi à la prise de conscience à la remise en question plutôt, d'un certain nombre de postulats sur lesquels s'appuyait le mouvement de défense de la nature. Jusqu'ici, le combat reposait essentiellement sur une possible discrimination spatiale entre des paysages à préserver et des paysages à abandonner à l'industrie. Et cette idée était elle-même fondée sur un double présupposé, celui que la pollution pouvait être contenue, circonscrite dans des espaces restreints, et le postulat que certains paysages avaient plus de valeur que d'autres. Or, ces deux postulats sont mis à mal, justement, à la fin du XIXe siècle, dans le dernier tiers du XIXe siècle. D'abord, je vous l'ai dit, le goût paysager des Anglais se diversifie. On aime de plus en plus de paysages différents, et donc on accepte de plus en plus mal que certains paysages soient détruits. Les landes qu'on appréciait peu au début du XIXe siècle rentraient dans un sentiment esthétique plus fort, et donc devaient être, au même titre que les paysages pittoresques, protégés. D'autant qu'on a un sentiment quasiment obsidional à la fin du XIXe siècle, notamment du fait de l'extension horizontale des villes, de voir disparaître tout espace sauvage ou naturel en Angleterre. Et donc, cette crainte de la destruction par la pollution des espaces s'étend à tous les types de paysages. Et par ailleurs, et c'est l'autre postulat qui est contredit, le fait que la pollution puisse être circonscrite est mis à mal par le fait qu'au contraire, cette pollution, et on le voit, s'immisce partout. Et jusque dans la région des lacs. Et là, on a des traumatismes dans les années 80 où on voit certains lacs de la région des lacs pollués. Alors du coup, on a des controverses qu'on essaie d'éteindre immédiatement pour ne pas atteindre l'économie touristique de la région. On dit, mais non, ils sont très très propres, tout va bien, rassurez-vous. Alors qu'en fait, et de fait, on a des rejets chimiques dans certains lacs qui les polluent. Et cette pollution, dans les villes par exemple, elle empêche aussi le développement de certains parcs, certaines plantes et certains arbres dans les parcs. Comment voulez-vous continuer à proposer la construction de parcs dans les villes si parallèlement les villes restent étouffées sous des nuages de fumée et que ces mêmes plantes ne parviennent pas à se développer? Donc les défenseurs de l'environnement se sont rendus compte qu'il fallait attaquer le problème aussi à la base, et la base était également la lutte contre les pollutions. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu un retournement complet, loin de là. Le National Trust continue à travailler sur une idée de discrimination spatiale, puisqu'on protège les espaces en espérant les préserver du reste. Mais, à mon avis, c'est ce début de prise de conscience dans les années 80 que la lutte contre les pollutions était en retard, qu'au contraire, la protection des paysages avançait bien, mais qu'elle était elle-même freinée par les pollutions, qui a amené à ce début de rapprochement. Qu'on voit par la construction de comités communs entre des défenseurs de la nature et des personnes qui luttent contre la pollution, par l'introduction dans les discours des défenseurs de la nature de discours nouveaux, justement proposant des mesures pour limiter notamment les émissions de fumée. Notamment le chanoine Ronsley se met à tancer des ouvriers en leur disant, mais vous devriez insister auprès de vos patrons pour que ils soient plus prudents avec la consommation de charbon, parce que ça émet beaucoup de fumée et ça détruit tout, et arrêtez de croire que la fumée c'est du travail, au contraire, rendez-vous compte. Bon, des discours qu'ils n'avaient pas une vingtaine d'années auparavant. Donc on a une évolution comme ça dans le discours et donc dans ce mouvement. Alors ce mouvement il s'organise, pardon, je vous montre ici, oui, une image de cette pollution qui s'immisce partout. Donc c'est Manchester-sur-Mer. Seductive prospect, donc il y a un petit jeu de mots ici sur une perspective séductrice et en même temps près de la mer. Donc on voit ici donc la ville de Manchester qui se déplace avec sa pollution, ses fumées, ses usines vers, alors sans doute la ville de Blackpool qui était le lieu de villégiature des ouvriers, mais qui donc emmène avec elle sa pollution. Donc aucun espace finalement n'échappe à la pollution qui est amenée quasiment ici par pas les ouvriers eux-mêmes. C'est quelle date, Ah pardon, je vous l'ai pas mis. Ça c'est les années 1800. Alors je l'ai pas noté, mais on est dans les années 1870-80. On est à la fin. Oui. Alors troisième temps donc ma réflexion, essayer de comprendre maintenant que j'ai présenté cette évolution chronologique, comment ce mouvement environnemental va s'organiser et quelles sont les interrogations qui vont le traverser, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Parce que justement, ces succès du mouvement vont contraindre les acteurs à se poser des questions que jusqu'à présent ils avaient ignorées. On avait pu faire mine de ne pas se poser certaines questions, de ne pas affronter certaines contradictions, tant que le mouvement essayait de se constituer, tant qu'on était dans une phase de développement. Lorsque le mouvement connaît son essor et agit et avec efficacité, il y a des questionnements qui surgissent qu'on ne peut plus ignorer et auxquels il faut faire face. Et j'en ai distingué quatre. Le premier, c'est porte sur le type de préservation à adopter. Est-ce que protéger un espace, c'est y interdire toute interférence de l'homme, ou le maintenir en l'état, ce qui va impliquer au contraire une intervention anthropique? Une question qui paraît toute simple, presque un peu idiote, mais qui va diviser beaucoup les défenseurs de l'environnement, notamment une frange ultra, les ultra-sentimentaux qui voudront absolument empêcher que l'homme intervienne dans certains espaces, et les plus réalistes qui diront au contraire que si vous voulez maintenir une forêt en l'état telle qu'elle est à ce moment-là, eh bien, il faut couper les plus vieux arbres, laisser les jeunes se développer, etc. On a donc une contradiction aussi qui apparaît à ce moment-là entre différents usages de ces espaces verts, entre des usages récréatifs, des usages scientifiques, des usages sportifs, des usages esthétiques qui vont entraîner des tensions entre certaines associations. Deuxième type de questionnement, sur la capacité des êtres humains à apprécier la nature et en particulier les paysages. Est-ce que cette capacité d'appréciation est innée? Est-ce qu'au contraire il faut l'éduquer? Alors on a beaucoup de réflexions, on n'a pas toujours beaucoup de réponses très claires. Lorsqu'on parle de paysage, bien entendu c'est une éducation, puisqu'un paysage est une construction sociale, et du coup on voit se multiplier les initiatives d'éducation de la population. Et qui va-t-on essayer d'éduquer prioritairement? Les deux catégories les plus frustes de la population britannique sont les enfants et les ouvriers, qui sont à peu près mis sur le même plan. Donc on va voir se développer des associations de randonnées pour justement emmener ces populations voir la nature. On va voir se multiplier des cours d'histoire naturelle et des sociétés qui vont essayer d'en diffuser l'enseignement, notamment dans les écoles à partir de 1900. On va voir se développer une littérature autour de la nature qui va mettre en avant les espaces verts ou l'histoire naturelle. Une littérature enfantine, c'est dans ces années-là qu'on voit apparaître Beatrix Potter par exemple et Peter Rabbit. C'est très content de pouvoir mettre Peter Rabbit dans mon ouvrage. Vous verrez aussi un ouvrage magnifique qui s'appelle Le vent dans les saules, qui est un des grands classiques de la littérature enfantine anglaise et qui est un ouvrage magnifique qui raconte les histoires de la taupe et de son ami le rat des eaux, et traduit totalement ce sentiment d'appartenance et de relations harmonieuses avec la nature. Pour les ouvriers, on aura des ouvrages d'histoire naturelle, on aura des vacances aussi organisées pour les enfants et les ouvriers en même temps, mais dans les espaces naturels du pays, et notamment dans la région des lacs qui va être un lieu de villégiature privilégiée, etc., etc. Donc un vrai effort d'éducation qui ne va pas toujours évidemment sans mal. Troisième type d'interrogation, la conséquence de l'accès à ces espaces verts sur les espaces verts eux-mêmes. Lorsque vous avez des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui fréquentent certains espaces comme la région des lacs ou comme Hampstead Heath, eh bien, ils abîment ces endroits-là. Et on s'est demandé du coup, fallait-il protéger ces lieux pour le peuple, ce qui était l'un des arguments qu'on mettait en avant, ou du peuple, qui, par sa présence même, pouvait les abîmer. Et on n'a pas de réponse, bien entendu. Là, on est vraiment dans une aporie du mouvement environnemental qui n'a pas de solution. Et on va voir, par exemple, pour la région des lacs, cette question se posait encore une fois de manière particulièrement criante, et voir s'opposer ce que j'appelle les insiders et les outsiders, à travers deux associations qui se créent. Une association qui, donc plutôt d'outsiders, faite donc de personnalités qui vivent en dehors de la région des lacs, et qui veulent limiter autant que possible l'accès à cette région, en disant il faut absolument la protéger, elle incarne notre nation mieux que toute autre, et ce qui est très amusant, c'est de voir des gens comme le Chanoine Ronsley dire justement, les habitants des lacs ne sont pas les mieux placés pour protéger cet endroit. Nous, artistes, bourgeois, un peu sensibles à ces questions-là, savons mieux que ce qu'il faut faire de cette région-là, il faut en faire un espèce de musée. De l'autre, vous avez les insiders, ceux qui habitent dans la région des lacs et qui veulent la développer économiquement et qui savent très bien que pour la développer économiquement il faut évidemment en protéger les beautés, mais sont prêts à faire certains compromis avec la modernité et qui disent certes on veut protéger les espaces, mais on veut des chemins de fer pour attirer les gens, on veut des routes, on veut des infrastructures qui permettront de développer économiquement notre espace. Donc on voit vraiment ces logiques là s'opposer à cette période. Et le dernier débat sur lequel je finirai, à peu près dans les temps, est celui qui porte tout simplement sur l'avenir de l'Angleterre. Est-ce que protéger les espaces verts, et notamment les paysages anglais, c'est interdire totalement l'industrie ou trouver un compromis avec elle? On a deux groupes qui vont se scinder et qui se scindent justement à ce moment-là, et je pense que c'est tout à fait cohérent avec justement cet essor du mouvement. Deux groupes qui vont scinder à ce moment-là, l'un fait de réformistes, qui sont ceux qui créent ces associations dont je vous ai parlé, et pour qui, eh bien, la seule solution, c'est d'accepter l'industrie qui est là pour longtemps, dont on peut faire fi, et dont il faut juste limiter les excès. Ils vont donc créer ces associations dont je vous ai parlé, dont je présente rapidement, ça je ne vais pas vous en parler, mais je peux y revenir dans les questions si vous voulez, dont j'ai présenté la typologie. Il était assez intéressant de voir comment ces différentes associations que je vous ai présentées s'organisaient, qui en était membre, et s'il y avait finalement des dominantes de l'une à l'autre d'un point de vue politique, d'un point de vue de genre, d'un point de vue socio-professionnel, etc. Et on a effectivement un tableau assez étonnant finalement qui se dessine. Pardon. L'autre groupe qui est beaucoup plus original est le groupe des utopistes, pour qui la seule solution c'est de revenir à un temps pré-industriel, en effaçant finalement la parenthèse du 19e siècle et en revenant à un âge d'or. Donc ce sont des gens qu'on a évidemment traités de rêveurs et donc d'utopistes, mais qui pourtant sont en général de très grandes personnalités, des grands penseurs. Des gens, alors là du coup je vous parlais de la cohérence des grands hommes, alors là on a une véritable cohérence jusqu'en action, et finalement seront, leur conclusion est logique, qui est de dire l'industrie et l'urbanisation ont détruit, la seule solution c'est de revenir en arrière. Après évidemment concrètement ça rendait les choses assez difficiles. Parmi eux vous avez des gens comme John Ruskin, qui est le maître à penser de toute une génération de défenseurs de l'environnement, qu'ils soient d'ailleurs réformistes ou utopistes. Les réformistes vont s'éloigner de lui en disant « On vous aime beaucoup, on a été vos écrits ont révolutionné notre pensée, mais on ne peut pas vous suivre jusque-là. » Mais il reste vraiment, après Wordsworth, le grand maître à penser du mouvement de défense de l'environnement. Vous avez des gens comme William Morris, dont je vous parlais auparavant, qui est un peu à cheval entre les deux, mais qui sera un penseur socialiste assez particulier, puisqu'il voudra justement mêler son socialisme et la défense de la nature. Vous avez Carpenter, j'aime beaucoup cette image, j'aime beaucoup ce personnage, Edward Carpenter, qui est un homme qui a, dans les années 80, a totalement rompu avec la société victorienne, à tout point de vue, c'était un marginal dans bien des domaines, et qui est un des seuls à avoir réussi son utopie, qui était de s'installer à la campagne sur une ferme avec son compagnon, en vivant en autarcie de ses productions. Ses productions c'était des légumes évidemment de sa ferme, des légumes qu'il vendait à Sheffield, et des sandales. C'est pour ça que je vous présentais cette photo-là, parce qu'on va toujours avec ses sandales. C'est très important les sandales chez Carpenter. Et il est devenu une figure éminente du mouvement anarcho-socialiste de la période. Beaucoup de gens sont venus le voir comme un prophète, parce que justement il avait réussi finalement son idéal de vie, et il est devenu une inspiration pour beaucoup de socialistes de la période. C'est quelqu'un qui a écrit des poèmes très inspirés de Walt Whitman, et qui sont assez, enfin si on aime le style de Whitman, qui sont assez assez beaux. Et dernier exemple de ce mouvement utopiste, défenseur de l'environnement à sa manière, les journalistes du Clarion, donc qui est un journal socialiste qui a été créé en 1891 par Robert Blatchford, donc le troisième personnage ici, et qui est le journal socialiste le plus lu à la fin du 19e siècle, notamment dans les comtés du Nord, Lancashire et Yorkshire. Oui. Et qui a organisé, donc, outre le fait que c'est un journal socialiste très lu, et qui défendait donc à la fois la lutte socialiste et la défense de la nature, par un retour à un âge d'or pré-industriel, ce journal a créé des clubs, les clubs du Clarion, qui étaient des clubs de randonnée, des clubs de cyclisme, des clubs de chant, d'histoire naturelle, etc. Alors qui mêlaient justement, par exemple pour le cyclisme, promenade dans la nature et donc bol d'air, appréciation des paysages, etc. et propagande socialiste, puisqu'on s'installait parfois dans des villages où on, sur la place publique, on vantait les mérites du socialisme à la Blatchford, où on distribuait des tracts, etc. Donc on a vraiment un mouvement très très particulier, très intéressant, qui visait donc à développer cette pensée utopiste, sentimentale utopiste. Et il me semble que cette distinction entre les réformistes d'un côté et les utopistes de l'autre est très importante pour mieux situer le combat environnemental à la fin du 19e siècle. Ce mouvement s'inscrit dans un mouvement qu'on appelait passéiste de l'Angleterre de la fin de l'ère victorienne et du début du 20e siècle. Et il y a effectivement tout un mouvement culturel à la fin du siècle de qui s'intitule Back to the Land, Back to Nature, qui encourage totalement ce mouvement de défense de la nature. Et en s'appuyant sur ce mouvement passéiste, les historiens ont voulu minimiser le rôle des défenseurs de l'environnement en ne voyant en eux qu'un groupe de marginaux réfractaires à la modernité. Or, ce n'est pas du tout le cas des réformistes. Les réformistes, ceux des grandes sociétés que je vous ai présentées, étaient très conscients et très attachés à la modernité, et encore une fois, ne voulaient juste en limiter les excès. Ils voyaient vers l'avenir, très clairement. Et d'ailleurs, encore une fois, l'avenir justement montrera la justesse de leur vision. Je vous ai dit le succès du National Trust. Ceux qui sont au contraire effectivement passéistes et réfractaires à toute modernité, ce sont les utopistes, que eux effectivement on peut qualifier de passéistes. Mais il faut à mon avis bien distinguer cela et du coup redonner au mouvement environnemental dans toutes ses dimensions son importance. Très clairement, il est fort, il est influent à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Ce n'est pas un mouvement de masse, mais c'est un mouvement qui obtient des succès importants, et c'est un mouvement qui fait parler de lui au niveau national. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-François de nous répondre. J'ai une question qui n'est pas du tout évoquée pour son exposé. Et finalement, les liens, les comparaisons, en quoi est-ce que ce mouvement communautaire se distingue de ce qui se passe dans les Europe, même aux États-Unis? Est-ce que c'est le plus très fort dans votre programme? Peu, parce que je fais un moment un tout petit point sur effectivement l'équivalent dans les autres pays, mais déjà je l'ai peu fait parce que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, puis encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on attend avec impatience les travaux de Rémy, il n'y a quand même pas grand-chose sur la France au XIXe siècle, et quand je dis pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, et ça m'aurait beaucoup plus intéressé effectivement de comparer l'Angleterre à la France qu'à d'autres. Alors, pour ce qui est des États-Unis, il y a une vraie différence au sens où l'Angleterre donc se positionne sur un paysage, veut protéger un paysage donc pittoresque qui est un paysage humanisé et qui renvoie à une construction, alors que évidemment les États-Unis veulent plutôt protéger la wilderness, les paysages sauvages qui s'opposent à eux, donc ils se construisent dans leur opposition à ces paysages qui les dépassent. Donc là il y a quelque chose de tout à fait scindé. Au niveau de la chronologie, les États-Unis sont finalement assez cohérent avec l'Angleterre. On a le grand départ pour les États-Unis, c'est les années 60-70 avec les grands parcs. On n'est pas très loin de ce qui se fait en Angleterre. On a peut-être une petite avance dans les réalisations concrètes, mais finalement, je crois que c'est 67 ou 68 pour Yosemite. La CPS, elle se crée en 65 et parvient à protéger Ramstad Hills en 68. Donc on est dans une chronologie qui est assez proche. Pour ce qui est de l'Angleterre par rapport à ses voisins européens. Donc pour la France, et on attend. J'espère, Rémi, si tu as peut-être des choses à. Mon approche n'est pas tellement sur le paysage, mais c'est évident qu'il n'y a pas de succès. C'est clair. Il n'y a aucun lieu qui est. Enfin, Barbizon. J'allais dire, il y a Barbizon quand même. On est aujourd'hui sur la voie Bouquet, 1906 tout de même. Celle de 1930, sur les monuments naturels, donc avec une même conception. Le courant est beaucoup moins fort, beaucoup moins puissant. Nous structurer également, il me semble. Et au niveau en même temps, il me semble que le mouvement paysager en France est le fait d'une certaine élite, mais qui ne parvient pas à percoler dans le reste de la société, dans le reste de l'élite. Donc on a quelques penseurs, je pense à Lamartine, par exemple, écrivain, pour s'exprimer sur une morale autour de la protection des animaux, pour la protection des paysages, mais ça ne débouche pas sur une diffusion des organisations qui vont être concernées avec ça. Elle nous semble pas. Après, pour ce qui est de... Je finis juste sur par exemple, l'Allemagne, que je ne connais pas très bien, mais j'ai un petit peu regardé ce qui s'y passait. Là aussi, la chronologie, finalement, est assez proche également. On a aussi des choses qui se créent autour du GoConvents dans les années 60-70. Si quelqu'un connaît mieux, hein, surtout n'hésitez pas, les dates là, m'échappent un peu. Lorsque j'ai démarré mon travail, j'étais vraiment parti dans l'idée qu'il fallait bien qu'il y ait une particularité à l'Angleterre, puisque c'était le premier pays à connaître de tels bouleversements industriels et urbains. plus j'avance dans mes recherches et plus je lis des choses, plus je suis déçu, parce que j'ai pas l'impression que finalement cette particularité elle soit si nette. L'avance chronologique peut-être, au moins au niveau de la réflexion, le type d'idéologie sans doute pas, parce que cette patrimonialisation finalement de la nature elle se retrouve partout. Alors elle est plus incarnée en Angleterre dans un paysage particulier qu'elle ne l'est en France. On n'a pas un paysage qui se détache. On n'a pas l'équivalent justement de la région des lacs ou de ce paysage pittoresque ni en France ni même peut-être en Allemagne, quoique les forêts peut-être en Allemagne peuvent jouer un équivalent. Donc on a la particularité anglaise, elle serait là, mais cette conception sentimentale, je dois admettre quand même que je la vois un petit peu se déliter dans sa particularité au fur et à mesure que des études paraissent sur les équivalents dans les autres pays, au moins européens. Et est-ce que l'avance chronologique se traduit par une influence dans les autres? Alors, il y a pas tant de choses que ça qui ont été faites. Je sais que la France, enfin, lorsque on va créer la Société pour la protection des paysages de France en 1901, on va se référer à Ruskin et Morris explicitement. Mais très vite, c'est plutôt l'Allemagne qui va jouer le rôle de référent, beaucoup plus que l'Angleterre. Et de ce que j'ai vu, alors c'est moins vrai, je crois, pour la protection des oiseaux, où là, il y a des vrais échanges, mais de ce que j'ai vu, l'Angleterre, finalement, reste l'Angleterre, c'est-à-dire isolée dans son île. Et à ma connaissance, en tout cas, mais là encore, peut-être que je me trompe, il y a peu d'échanges avec les autres. On a plus vraiment des relations franco-allemandes autour du continent qu'avec l'Angleterre. Je ne sais pas si je voudrais pas... Au niveau international, ce qu'on a, c'est par exemple le premier congrès de la nature en France, en 1923, l'Angleterre apparaît isolée parmi tous les congressistes. Donc il y a des congressistes surtout européens, sauf quelques américains, et en fait, il y a un vicomte Urs Potter qui intervient et qui, lui, met en avant cette idée que c'est bien de faire appel pour créer des espaces protégés à l'État, mais qu'il considère, lui, que le modèle anglais est meilleur, c'est-à-dire que c'est aux initiatives privées de, finalement, patrimonialiser le paysage. Et là, il y a une sorte de bronca, mais tout le monde est étonné. À tel point que dans le compte-rendu des séances, donc l'intervention du vicomte a fait une page, et les organisateurs insèrent une autre page pour dire que, bon, d'accord, sans doute, c'est ça, mais que c'est quand même à l'État d'intervenir, et que c'est absolument pas aux initiatives privées de le faire. Et je pense que c'est ça une particularité de la protection, et là vient du paysage, hein, puisque le congrès n'est pas strictement scientifique, loin de là, il y a bien une particularité britannique sur les moyens d'action, comment on agit, et donc sur la réussite également. Ce qui différencie peut-être du reste du monde. Effectivement, même si après les Anglais sont les premiers aussi à avoir recours à l'État lorsque ils en ont besoin. Par exemple, si le National Trust peut protéger aussi des espaces, c'est parce qu'en 1907 il a obtenu une loi lui autorisant à déclarer certains espaces, et le nom va m'échapper, inaliénables. Il peut déclarer que certaines de ses positions sont inaliénables et que donc, du coup, ça encourage aussi au don de la part de propriétaires qui souhaitent à leur mort que cet espace, justement, reste protégé pour l'éternité, en tout cas l'éternité anglaise. Henri, tu voulais dire quelque chose avant ? Oui, je trouve ça très intéressant, mais j'ai deux remarques. D'une part, cette question néanmoins d'une analyse comparative dans ce moment 1850 jusqu'à la guerre 14, jusqu'au début des années 1900, je pense reste pertinente à faire. On va voir quelle est l'emprise qui est pertinente à faire, mais je crois qu'elle est pertinente. Et en particulier, avec ce que vous venez de soulever là, les uns les autres, est-ce que la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre, était dans son île, un peu, vous faites allusion, ou finalement elle n'est pas restée dans son île, ou les autres ont monté quelque chose à part? Je crois que ce questionnement-là est pertinent, est intéressant, mais il n'y a peut-être pas vraiment encore de Ah non, il n'y a pas grand-chose. Et quant au parallélisme que l'on pourrait faire, chronologique, où finalement les mêmes causes produisent les mêmes effets ou les mêmes comportements, les mêmes représentations, les mêmes réactions en Bretagne, en Allemagne, en France. Là aussi, il faut voir, il y a des similitudes, il y a peut-être aussi des éléments de rupture. Néanmoins, cette question du paysage, sous son appréhension esthétique, sentimentale, beauté, me semble être une sorte de dénominateur à un ensemble de scènes en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, dans ces moments-là. Alors, peut-être que la chronologie n'est pas tout à fait exacte, mais je crois qu'il y a une sorte de trait commun qui anime des réactions, des comportements et des moyens aussi qui sont mis en œuvre. Alors, s'agissant des moyens et du trust, il me semble que là, les Anglais n'ont pas été les seuls, enfin, ils ont été les premiers, mais ils n'ont pas été les seuls, parce que les Hollandais ont construit quelque chose de similaire et qui fonctionne encore, comme le trust, et les Suisses également, je crois aussi les Allemands. Donc, ils ont peut-être fait école, ils n'ont pas fait école en France, ou alors vraiment très lointain avec le conservatoire du littoral, il y a quelques années. Oui. La deuxième remarque, là, c'est plutôt en question d'anciens praticiens de la protection de la nature, pour ce qui me concerne, c'est la rémanence des questions, d'un certain nombre de questions que tu as fait émerger à la fin, là, à savoir les débats qui concernent éviter toute interférence de l'homme, ou laisser en l'état et donc intervenir, l'appréciation des paysages est alignée ou faut-il éduquer, il y a des gens qui sont crotteux et puis des intelligents et puis c'est bon, il faut pas gratter beaucoup pour qu'on retrouve ces choses-là de façon très contemporaine. Les lieux doivent-ils être protégés pour le peuple ou du peuple? Ça me rappelle par exemple un dossier récent Natura 2000 que je connais bien, où finalement les gens localement ont vu encore arriver les Européens de Bruxelles et les gens des villes pour leur dire que vraiment ils étaient des cucrotés, ils ne savaient pas protéger les choses et qu'on allait le faire avec une directive, avec etc. Alors là, on n'est pas très loin de ce qui était là en Angleterre, qui a mieux. Bon, également, alors d'une façon plus globale, sur l'avenir d'Angleterre, la dernière question que a posée, ou révéler, limiter les excès d'industrie ou interdire, alors ça c'est un débat, c'est le débat du développement durable presque. Et c'est un débat très contemporain, enfin, au sens contemporain, je veux dire, depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans. Donc c'est un débat qui, ces questions-là me semblent traverser, non seulement le 19e siècle, la fin du 19e siècle, mais traverser le 20e également, et sont encore présents au 21e. Et ce qui m'arrange bien, parce que du coup ça peut motiver des gens pour lire mes petites choses, mais sur ce que tu disais sur le paysage qui est une problématique commune, oui, encore une fois, à la différence près, je pense pour l'Angleterre, que je ne pense pas qu'on ait dans d'autres pays une telle focalisation sur ces deux identités. L'identité, encore une fois, rurale qui se construit autour de ce paysage pittoresque particulier, très apprécié, qu'on va absolument défendre, et ça autour de cette idée d'une Angleterre industrielle, parce que l'industrie a été le fondement de la puissance anglaise au 19e siècle, on le sait, enfin, les contemporains le savent, et en même temps elle a porté des mots dont ils ont vraiment eu du mal à se débarrasser. Et donc, et je pense vraiment qu'on a là une construction imaginaire très forte qui va vraiment traverser le siècle, et peut-être même une partie du 20e, et qui n'a d'équivalent à cette ampleur-là, en tout cas, et au niveau national, dans d'autres pays. Mais sinon, effectivement, la problématique des paysages, c'est pour ça que la première société de protection de la nature en France, c'est la société de protection des paysages, donc pour la France. Et puis Convence cherche aussi à protéger des paysages au moins prussiens, mais même nationaux. Je crains vos questions, vos remarques. Le problème du être c'est excessivement compliqué et c'est vrai, bon, en partant des remarques du début de la conférence, vous avez dit qu'on peut étudier la pensée d'un certain nombre de personnes. Et puis, à un moment donné, on arrive à constater une sorte de convergence qui permet de parler sur le mouvement général de la société. Et alors, j'étais surpris de voir qu'à la fin de cette présentation, dans la conclusion, c'était quand même l'impression qu'on restait dans une époque très élitaire et qu'il n'y avait pas véritablement un mouvement de société. Il y avait une convergence, mais que ça restait concernait encore une minorité. Mais c'est véritablement le grand problème, parce que savoir comment dire les idées qu'on peut faire, qu'on trouve dans le texte, qu'on trouve des images, etc., comment on peut finalement constituer un mouvement social et entrer dans la tête, ce qui est dans la tête des gens. Là, on ne peut pas résoudre le problème aujourd'hui, il est très compliqué. Ce qui permet néanmoins de faire ces comparaisons internationales. Effectivement, c'est épuisant de se demander est-ce que c'est spécifique, est-ce que c'est spécifique, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on tarde, etc. On a toujours tendance à poser ce type de problème, et je crois que la seule manière raisonnable de s'intéresser, c'est quand même de constater que dans tous les pays, il y a des choses qui sont vraisemblables, avec des chronologies un peu décalées, mais quand même très proches. C'est intéressant de voir quels ont été les exemples qui sont cités maintenant. Personne n'a parlé de l'Italie. L'Italie pourrait aussi être mentionnée comme appartenant à cette chronologie européenne où on s'est préoccupé de protéger des monuments, d'avoir des monuments au sens spécifique et historique du terme, et puis quand même des monuments naturels, et puis voir comment la terminologie se développe, si on insiste plus sur le paysage ou plutôt sur autre chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment des convergences chronologiques entre les différents pays, mais en même temps de grandes spécificités, comme vous l'avez dit, l'Angleterre est sans doute spécifique. L'Allemagne me semble également spécifique. Pendant assez longtemps, j'ai eu l'impression que l'Allemagne était le modèle qui était en avance, mais je ne suis pas plus du tout persuadé. Peut-être ce qu'il y a d'intéressant dans le cas allemand, c'est qu'on débouche très vite sur des mouvements de masse. Il faudrait comparer les effectifs des différentes sociétés, soit en France, soit en Angleterre. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais déjà à la fin du 19e siècle, les mouvements qui s'intéressent à ces problèmes en Allemagne peuvent compter sur des dizaines, des centaines de milliers d'adhérents qui payent des cotisations. C'est devenu un mouvement populaire, à savoir qu'on a là des milieux qui ne sont pas seulement des élites intellectuelles ou des élites sociales, mais on voit des gens de toute appartenance qui se retrouvent dans ces sociétés. C'est quand même intéressant, ça traverse ces milieux. C'est pas seulement une élite, même bien entendu si les dirigeants, ceux qui ont le droit à la parole, sont quand même appartiennent partout aux élites intellectuelles et sociales. Donc cet aspect plus populaire me semblerait une spécificité germanique. Mais à vrai dire, le contenu, la thématique, elle est identique. Donc ça reste à faire. Je pense qu'on a peut-être intérêt à organiser une espèce de rencontre, comparer ce qui se passe dans les différents pays, mais avec une grille de lecture qui nous permettrait vraiment d'avoir des comparaisons, parce que sinon, Oui, non, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on ait plus des... La seule question que je voulais poser pour terminer, ça, c'est que dans les sources que vous... Alors là, je vais faire une question très différente, mais dans les sources, vous avez utilisé beaucoup la peinture, un peu moins la photographie, je pense qu'à part le paysage de la ferme de Carpenter, on a vu que la photographie a été utilisée pour montrer la pollution, l'industrie. Est-ce que la peinture est aussi utilisée pour montrer la pollution? Est-ce que la photographie a le monopole pour rendre la noirceur? La photographie, forcément, donne un monde en noir et blanc, en quelque sorte. Oui. C'est très contrasté. Ce que n'a pas la peinture est plus subtile. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est si la photographie de paysage, ça existe. La photographie de beaux paysages, ça existe. Oui, oui, en fait. Alors c'est, bon, après, les images que je vous ai montrées ne sont pas évidemment un échantillon forcément représentatif de tout ce que j'ai vu, mais la pollution n'est pas représentée en peinture, ou quasiment pas, sauf éventuellement dans les toiles de Monet, Turner, etc., qui peignent en fait les brouillards londoniens parce que ça crée des effets de lumière qui sont très beaux et qui leur plaisent. Mais les seules représentations d'industrie qu'on ait, à ma connaissance, sont date du début du 19e siècle, et encore une fois sont souvent des représentations de nuit pour jouer sur l'aspect du sublime, pour que ça rentre dans une catégorie qui soit acceptable en peinture, justement. Mais sinon, très rapidement, elles disparaissent. On ne trouve pas de grandes peintures célèbres ou même un peu diffusées qui représentent la pollution. Donc c'est pourquoi effectivement, pour ce qui est de la pollution, je me suis plus appuyé sur des photographies. En revanche, la photographie, il y a bien une photographie de paysage. Je connais mal l'histoire de la photographie, et donc je me suis appuyé sur quelques exemples, mais là encore qui ne visent pas du tout ni à l'exhaustivité ni à la représentativité. Mais il y a un photographe qui s'appelle Benjamin Becknell Turner, je crois, qui a fait une série de photographies dans les années 60-70 de paysages ruraux anglais, et qui sont tout à fait des paysages pittoresques. Il a traversé l'Angleterre et il a peint. Je l'ai dans le livre, j'en parle quelque part. Hein, je n'ai plus le tout en tête, mais il y a bien effectivement une photographie du paysage. C'est pas uniquement la peinture qui le fait. Par contre, il n'y a pas de peinture de la pollution. Et pour répondre à vos remarques, alors très juste sur la question de cette convergence et de ces mouvements de fond qui portent la société. Tout dépend en fait de ce dont on parle. Effectivement, les associations de protection de la nature de la fin du 19e siècle ne sont pas du tout des mouvements de masse comme elles peuvent l'être en Allemagne. Toutes les sociétés que je vous ai nommées ont relativement peu d'adhérents. En revanche, les associations de randonnée, par exemple, sont très nombreuses, et de cyclisme sont très nombreuses, et traversent toutes les couches sociales. On en a aussi bien chez les classes moyennes ou supérieures que chez les ouvriers. Et ça reprend d'ailleurs de la force dans le monde ouvrier. Et donc il y a bien l'aspect populaire ici de cela. Alors vous me direz, oui, mais on peut se balader sans vouloir protéger forcément. Mais il me semble qu'il y a quand même une dilution des idéaux des défenseurs de la nature, à force de répéter aussi bien au Parlement que dans la presse, etc., que certains espaces en valent la peine, que la nature vaut la peine d'être protégée, etc., et de voir cet intérêt pour la nature s'accroître. Alors il y a un pas que je franchis, mais on peut estimer qu'il y a encore une dilution de ces idéaux dans l'ensemble de la société. De toute façon, ces mouvements de fond, que ce soit les romantismes ou les lumières, sont des mouvements au départ effectivement d'élite. Qu'ils se répandent ensuite dans la population de manière caricaturale ou déformée ou allégée, certes, mais ça vient. Ils sont bien constitués, réfléchis d'abord par une élite, et ensuite repris de manière peut-être un peu plus, encore une fois, caricaturale ou diluée, par le reste de la population. Et il me semble que c'est le cas à la fin du siècle. Alors, ça mériterait plus d'analyse, hein, je vous le conseille tout à fait, mais il me semble que je pourrais vous répondre ça, disons, peut-être, pour essayer d'être plus convaincant. J'espère que je le suis. Oui. J'ai une petite question. Vous aviez mentionné les chansons et les caricatures. Quel était le sujet de ces choses? Alors les chansons, c'était une source marginale, hein, mais que j'ai utilisé notamment pour le mouvement socialiste, et pour essayer d'aborder justement un petit peu les ouvriers, pour essayer de voir un petit peu quels étaient leurs sentiments. Et certaines de ces chansons qui étaient donc chantées à des meetings socialistes organisés notamment par mes utopistes, là par mes socialistes sentimentaux, étaient des chansons qui mêlaient encore une fois combat environnemental et plutôt amour de la nature explicitement lié au combat socialiste. Voilà, donc c'était plus en ce sens-là que j'ai. Après, j'ai trouvé aussi quelques chansons populaires qu'on retrouvait dans des magazines ou dans des ouvrages pour enfants, par exemple, et qui là encore vantaient les beautés de la nature anglaise. C'est pas la source principale, mais elle a été une de mes sources. J'ai une petite question qui porte aussi sur les sources. Décidément. Alors, j'ai une collègue qui travaille sur des poètes ruraux, campagnards, en Bretagne dans le XVIIIe siècle. Et je me demandais, est-ce que c'est une source, d'abord, est-ce que la poésie, tu as exploité la poésie comme source dans ton travail, est-ce qu'on retrouve ces poètes campagnards de milieux très modestes qui se sont développés au XVIIIe siècle, puisqu'on en a dans le XIXe siècle, est-ce que ça peut pas être une source pour essayer de toucher un peu d'autres catégories sociales dans l'Angleterre du XIXe? Tout à fait. Alors, c'est une source qui dont j'ai trouvé quelques exemples, mais pas beaucoup. J'ai pas eu accès à des dizaines ou des centaines de poèmes, mais j'en ai trouvé quelques-uns, effectivement écrits par des ouvriers. Alors pas par des ouvriers, pas par des gens de la campagne, parce qu'on a effectivement un mouvement ouvrier, des associations encore une fois d'histoire naturelle qui se réunissent dans des pubs notamment, et c'est plutôt effectivement fin 18e, début 19e, et qui à cette occasion parfois écrivent des poèmes qui se récitent entre eux, et dont on trouve quelques publications dans des petits ouvrages. Alors, soit ils sont publiés localement, soit ils les envoient dans la presse, etc. Mais ces associations en fait tendent à disparaître à partir du... Enfin, dans les années 30-40, on en retrouve un petit peu la trace à la fin du siècle, mais il y a une éclipse, et donc j'en ai trouvé quelques-unes, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est une source intéressante, même si là encore, on a eu sans doute une élite ouvrière, et on ne sait pas trop à quel point elle est représentative, mais c'est une source intéressante. Parce que, et là, on a vraiment des sentiments identiques. Hein. C'est ma belle Angleterre, ces beaux paysages, etc. C'est vraiment. Mais donc, parmi les campagnards, parmi les ruraux, j'en ai pas trouvé. Peut-être que je les ai ratés. Hein, j'ai rien vu, disons, qui ait pu m'indiquer l'existence de tel poème. Oui. En fait, j'ai vu la très analysant que les autres, avec une ouverture sur les autres pays, et tout de suite, c'est la grande. M'apparaît, j'y l'écoute, mais j'ai toujours cru que, il me semblait que l'idée du paysage était de romantisme allemand, justement, dans les moments où, fin 18e, est-ce qu'il n'y a pas, justement, alors je parle vraiment pour le côté artistique, une influence du romantisme allemand, justement, sur ce qui vient ensuite. Alors, ça, il faudrait voir ça avec des spécialistes d'histoire de la littérature ou de la peinture, mais plus généralement, est-ce que le romantisme en gros a été une affaire européenne ou est-ce qu'il y a eu des précurseurs? Ça, honnêtement, je ne saurais trop vous dire. J'aurais tendance à voir un mouvement plutôt global avec effectivement des échanges, mais après de voir qui influence l'autre. Je sais que les Allemands ont été traduits certains des grands penseurs romantiques allemands ont été traduits par Thomas Carlyle, mais plutôt dans les années 30-40, donc assez tardivement. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant il n'y a pas eu des influences. Hein, je pense que Coleridge, je crois, avait été assez sensible aussi à certains Allemands. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur les influences. Oui, non, voilà, je voudrais pas m'avancer sur un terrain que je maîtrise mal. Toujours pour l'Allemagne, il y a tout un mouvement, alors je ne sais pas de quelle époque, hein, je ne sais pas de mouvement carnaliste avec la création de la design, de la on a refait des parcs entiers avec des cours d'eau aussi, donc ça m'a fait un petit peu penser à tout ça. Et alors vraiment, je ne sais pas si c'était bien, mais. Le thermalisme en Angleterre? Non, en Allemagne, par rapport à... Le tourisme, il y a sa diffusion de l'Angleterre vers le reste de l'Europe, il me semble. C'est l'inverse, alors. Non, pas l'inverse, je pense que le thermalisme, le renouveau du thermalisme en termes touristiques, se fait par la Sonde Basse, par le Charnache, il me semble. Donc c'est 18e, je crois. Oui. fin 17e, du 18e, il me semble, et que ce modèle-là, anglais, la photographie anglaise, va se diffuser ensuite sur le continent, notamment à Spa, en Belgique, et puis au-delà, Baden-Baden, etc., et puis en France, le premier, Vichy, etc. Donc c'est peut-être une diffusion de la pratique, ou pas, mais également peut-être d'un cadre. Et il me semble que ça me semble assez logique. Hein. On construit une station thermale, à partir de pas grand-chose, et on la construit à la manière anglaise. C'est les Anglais qui lancent ça. Victoria lance, il me semble, que ça ne se pousse pas. Là, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, le thermalisme en Angleterre est assez ancien, parce que si vous lisez par exemple Jane Austen, on voit déjà certains, ben, elle habitait à Bath, et puis certaines de ses héroïnes prennent les bains, hein, donc ou partent en villégiature effectivement à Bath. Donc ça, on est début 19e, mais enfin, c'est déjà implanté. Il y a le modèle anglais qui se diffuse, pourquoi dans les élites de la France européenne. Tu as dit donc à la fin du 19e siècle, contrairement à ce que certains pourraient laisser croire, les protecteurs de nature n'étaient pas seulement des hurlus morlus, un peu marginaux, ainsi de suite. Et donc je voulais savoir si ces protecteurs de la nature, au moins dans leur pendant réformiste, s'intégraient aussi à toute la nébuleuse réformatrice qui commençait à se former à la fin du 19e siècle. Justement, il y avait des échanges au sein de cette nébuleuse entre la France, l'Angleterre, les États-Unis. Donc, peut-être que là, ça permettrait de voir des liens qui pourraient se créer ou pas. Que quand tu parles de la nébuleuse réformatrice au niveau social et sanitaire, et oui, alors complètement, le nombre d'entre eux était. Par exemple, Chaud Lefebvre, que je vous avais montré, le fondateur de la CPS, qui est donc un homme politique assez important. Il a eu une action politique tout à fait réelle, et lui, comme Robert Hunter ou d'autres, étaient au Parlement, étaient des libéraux radicaux, donc plutôt la gauche du Parlement, et donc on militait pour différentes réformes sociales importantes. Octavia Hill, dont je vous ai parlé aussi, l'une des fondatrices du Trust, était avant tout philanthrope sociale, donc elle a agi très concrètement pour le bien-être population, elle était en lien avec la famille royale, elle connaissait très bien une des filles de Victoria, elle a été une des premières femmes à participer, elle était la première femme à participer à une commission royale sur les pauvres, donc ils étaient tous très investis dans un mouvement plus général, effectivement c'était pas le pour beaucoup, soit le protéger la nature s'inscrivait dans un projet social plus global, ou le projet social s'inscrivait dans une protection de la nature plus globale. Je sais pas trop toujours dans quel sens ça allait, mais très clairement, il faisait un lien entre les deux. Après, c'est vrai pour une bonne partie d'entre eux, mais le mouvement environnemental dans son ensemble était plutôt apolitique, c'est-à-dire qu'on trouvait aussi bien des conservateurs que des libéraux. Après, certaines associations étaient très politisées et plutôt à gauche, d'autres étaient un peu plus neutres politiquement. Après, il faudrait détailler justement. Mais les grandes figures étaient politiquement visibles, relativement influentes et investies dans un mouvement social. Toujours sur la question de ces transferts, puisque je suis en train de lire le livre d'Arnaud Bobéro sur le naturisme. Et on voit justement que là, il y a eu une diffusion de l'Allemagne vers la France. Je voulais savoir si on trouve ça un petit peu en Angleterre, fin 19e et début 20e. Justement. Le mouvement naturiste. Ouais. Alors, je le connais pas très bien, mais oui. Enfin, je sais qu'il y a des choses. Oui, notamment dans les universités. Parce que bon, ils avaient aussi accès à des très beaux endroits. Mais puis, s'ils étaient jeunes. Oui, il y avait un lien. Alors, que je réfléchisse et que je ne dise pas de bêtises. Oui, dans le mouvement Back to the Land, Back to Nature, on était aussi effectivement dans un retour à la nature édénique. Oui, effectivement, on a ça. Je ne connais pas très bien, mais j'ai vu des choses liées tout à fait à ça. Après, le numéro dit d'ailleurs que le mouvement est assez populaire, notamment en France, contrairement à et qu'on retrouve un petit peu cette distinction entre des réformistes qui sont plus sur une vision assez sage et d'autres qui sont sur une condamnation de l'industrie, influencée par le socialisme, ainsi de suite. Alors, Carpenter, par exemple, bon, il n'était pas en train de cultiver ses champs nus, mais il était vraiment dans cette. Les sandales, c'était ça aussi, complètement. Hein. C'est un premier stade, mais. Voilà. Bon. Bah, on a bien fait de parler de l'Angleterre parce que du coup on va faire du comparatisme et on va travailler sur les circulations. Et ben voilà, assez merveilleux. On a une bonne feuille de route là tous. On réfléchit de temps en temps. Bien, alors j'ai deux choses. La prochaine séance est donc le 15 décembre. Tim Sohn, je ne sais pas si on prononce comme ça, sur les tempêtes dans la mer du Nord et les sociétés maritimes, mais très tôt, 13e, 18e. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ben, merci à vous.